Et bonjour pour cet 11e épisode de En attendant le bûcher. Je suis Tony, vous pouvez me retrouver sous le nom de Tony Grimoire sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. Et je suis donc les énergies de Charline pour accompagner Tony sur ce nouvel épisode de podcast. Et pour une fois, le thème n'est pas surprise pour vous puisqu'on vient vous parler de l'élément eau. Oui, c'est ton élément préféré. Ah, j'adore. La sirène que je ne suis pas adore. Donc oui, aujourd'hui, on vous parle de l'élément eau. L'élément eau, c'est celui qui est historiquement associé aux émotions. Normalement, il n'y a pas à tortiller. C'est l'élément du cœur, c'est l'élément des émotions. Oui, ça, c'est clairement celui des émotions en termes de, d'utilisation. Du coup, il est aussi associé aux libérations et au nettoyage. Mais sur votre monde intérieur, ce sont vos émotions qui sont directement reliées intrinsèquement à cet élément eau. Ce qui fait que même moi qui vous le dis, j'ai un petit souci avec la connexion à l'élément eau. Mais je suis quelqu'un de très très connecté à mes émotions, donc c'est un petit peu nier que mon fonctionnement intérieur est quand même aquatique, quoi que j'en dise. C'est un élément que j'aime beaucoup depuis petit, notamment avec les bains. Où je passais des heures, et aujourd'hui encore, quand je prends un bain, je reste peut-être 2 heures dedans. Oui, je rentabilise l'eau, voilà. Et où je vais vraiment me reconnecter à cet élément. Moi, donc je suis d'origine portugaise, je l'ai déjà dit, mais j'ai grandi donc en allant chaque été au Portugal, et j'allais dans l'océan Atlantique, parce que le Portugal, c'est pas la Méditerranée, c'est l'océan Atlantique. Et donc, beaucoup de souvenirs de moi dans cet océan. Avec cette force océanique, cette force de connexion à l'élément eau. Et ça a toujours été quelque chose de très enrichissant pour moi. Toi, ton rapport à l'eau, quand tu y penses, est-ce que tu as toujours eu pas ce rejet de l'eau, mais moins tu y allais, mieux tu te portais, quoi? J'ai jamais été branchée eau, c'est-à-dire que je suis à l'aise dans l'eau d'un point de vue pragmatique parce que mes parents... m'ont mis à des cours de natation et que je sais nager, donc j'ai pas peur de l'eau, je sais nager, ce qui fait que j'ai toujours pu aller nager dans la mer, dans une piscine. Mais vraiment, je suis beaucoup mieux sur la plage à regarder la mer qu'à être dedans. Ça, y a pas photo. Alors évidemment, je peux apprécier très volontiers un jacuzzi, un bain, un truc comme ça. Qui est resté 2 heures, je suis pas sûre que je le rentabilise aussi bien que toi. Et concrètement, oui, ça m'arrive de faire des bains, mais une fois ou deux l'année, quoi. Enfin, non, j'ai vraiment pas une passion. Être immergé dans l'eau, c'est pas du tout une zone de confort pour moi. Pas un élément dans lequel je me sens bien, relâché, à l'aise. Non, je me sens sur le qui-vive et à pas rester trop trop longtemps là-dedans quand même, quoi. Au niveau des chakras, justement cet élément eau, tu vas le relier plutôt auquel? Je le mettrais peut-être entre deux endroits. Entre le chakra cœur, ouais. Pour tout ce qui est justement émotionnel, et peut-être un peu de troisième œil. Bah en fait, je te rejoins sur la partie qui est là où, pour moi, siègent les émotions, énergétiquement ou corporellement. C'est là où je pourrais relier l'élément eau. Mais vraiment, là, je m'en aperçois, ce serait un chemin mental pour savoir... Enfin, quelle partie de moi je relierais à l'élément eau, tellement c'est devenu un truc, forcément que je suis reliée à l'élément eau, mais c'est devenu un truc très en bruit de fond et très sous-marin, quoi. C'est... Si je dois identifier... Sous-marin, ah, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Oh là là. Elle nous fait une métaphore avec l'élément à chaque épisode. Je vais bosser les deux autres, du coup. Donc, pour moi, la terre, c'était l'instinct. Je trouve que l'eau a un peu aussi cette intuition, quelque chose de très sentimental, de très capable de palper autour de soi et un peu lié justement à cette empathie, quelque chose de très humain en fait. Donc j'ai tendance à le mettre comme ça. Mais ça rejoint exactement ce que tu disais au tout début de cet épisode quand tu présentais l'élément eau comme celui directement lié à nos émotions. Nos émotions et donc l'élément eau, c'est cette part d'énergie féminine, intuitive, du soin, du lien à l'autre, via notre empathie, via la connexion de cœur, quoi. En astrologie, l'eau, c'est donc poisson, cancer, scorpion. Donc on est sur quand même trois... on est sur des animaux, n'empêche, je tilte. Avec quand même trois tempéraments quand même un peu différents, je trouve. En fait, je pense que ce qui nuance ces trois signes et du coup la façon dont on les perçoit, c'est que ces trois signes fortement émotionnels, mais qui font quelque chose de différent de cette sphère émotionnelle. Donc, il y a les poissons qui sont vraiment sur de l'empathie extrêmement forte et tout le temps. Il y a les cancers qui vont passer par une notion de chercher du réconfort sur la sphère émotionnelle, et les scorpions qui pour moi, ont plutôt une tendance à la carapace émotionnelle et du coup à transparaître à travers une force et presque une dureté, comme tu dis, mais derrière laquelle il y a la même base d'émotions fortes que chez les deux autres signes. Les scorpions sont souvent mal vus, mais pourtant ils apportent quand même beaucoup de choses aussi aux autres signes en tout cas. Et c'est pas mal quand vous avez justement des manques dans certains éléments et dans certains aspects de votre vie, même si c'est pas votre signe, d'aller travailler ce que ces autres signes peuvent représenter pour essayer aussi de canaliser leurs énergies. Complètement, et là où ça prend sens, c'est que les signes ont une vraie complémentarité quand ils sont en opposé sur cette roue astrologique. Et typiquement, on vous l'a dit au premier épisode, moi je suis taureau, donc terre, quoi, hein, plus terre, c'est difficile. Et le signe qui me fait face dans cette roue astrologique, c'est le scorpion. Oui, c'est vrai. Et mon ascendant est cancer, donc vraiment, il y a de l'eau qui traîne quand même. Comment toi, tu vois l'utilisation de l'énergie eau dans ta vie? Est-ce que tu as un peu ce besoin, ou est-ce que tu as eu ce besoin de te connecter à l'élément eau sans vraiment mettre le doigt dessus? À Montpellier, dans la région de Montpellier, j'allais très peu au contact de l'eau. Et paradoxalement, quand j'ai déménagé, j'étais poussée par cette envie de retrouver une nature avec plus d'eau. Moi, le côté nature sèche de la région de Montpellier a quand même fini par me peser, me déséquilibrer. Et depuis que j'ai déménagé, donc moi, depuis presque un an à Vierzon, mon circuit de marche, quand c'est pas la forêt, et c'est finalement rarement la forêt, parce que là, je peux partir de chez moi à pied plutôt qu'avec la voiture, je longe le canal. Et, ouais. Et quand je longe pas le canal, je longe l'Yèvre ou le Cher. Enfin bref, là, je longe un cours d'eau quand je vais marcher. Et je vois bien que je me reconnecte au quotidien à cet élément eau que pendant longtemps est resté loin de moi. Et j'ai vraiment cette sensation de l'eau me permet de libérer ce dont je me suis chargée. Je peux parfois utiliser l'air, mais vraiment, j'utiliserai plus l'eau pour mettre un mouvement et vraiment un truc qui va venir embarquer ce que j'essaye de libérer, de laisser circuler. Moi, j'ai grandi donc près d'un lac. Ensuite, comme je disais, moi, au Portugal, j'avais la mer, enfin l'océan où j'allais souvent. Dans ma maison, on avait un puits où il y avait de l'eau qui coulait en permanence. Quand j'ai déménagé sur Montpellier, j'ai déménagé pas loin du Lez. Oui. Et dans la vie de tous les jours, je me rends compte qu'il y a aussi beaucoup d'émotions qui vont être libérées, comme toi, via l'eau. Par exemple, je me souviens de moments où j'allais pas bien du tout, où j'avais besoin de libérer mes larmes ou mes émotions négatives, et j'allais dans la mer. Et je me posais, et vraiment, même des fois, je pleurais dans l'eau, et ça me faisait du bien, ça emmenait avec l'eau, ma tristesse, et ça m'apaisait, ça me faisait beaucoup de bien. Et le dernier truc qui est beaucoup, c'est sous la douche et dans les bains. Mais sous la douche aussi, il y a beaucoup de moments où je me pose pour laisser couler l'eau, me laver et me laver énergétiquement, et de faire poser toutes ces émotions. Et je trouve que la douche, tu vois, c'est un accès très simple pour te reconnecter à l'élément eau. Ce que je trouve dingue avec l'eau, c'est que c'est peut-être l'élément où on s'y connecte sans s'en rendre compte. On boit beaucoup d'eau, moi je bois beaucoup de thé aussi, et il y a aussi un peu ce truc de l'eau, c'est vital, déjà de base. Non mais... Même la bière est faite d'eau. Non mais il y a aussi toute cette connexion à l'eau qu'on fait sans s'en rendre compte tous les jours, ces petits moments-là où en fait on fait intervenir de l'eau dans notre vie, et ça reste quand même très important. Je pense que les quatre éléments, ils ont chacun une facette à laquelle on se connaît sans se rendre compte au quotidien. Mais je crois que l'élément eau, c'est celui pour lequel c'est le plus vrai. Et l'élémentaire aussi, parfois on ne fait pas attention que dans nos réflexes d'aller marcher, d'être pieds nus chez nous, pieds nus l'été, c'est un réflexe du corps de connecter à la terre. Mais oui, je te rejoins sur le fait que l'eau, bah même quelqu'un comme moi qui a la sensation d'être déconnecté de cet élément eau et d'avoir du mal à s'y relier, si j'observe plus précisément chaque fois où l'eau est présente, bah elle est plus présente que ce que je mets de conscience dessus. L'eau, ça, l'élément eau, ça peut être quelque chose qui va aussi pouvoir vous permettre de vous connecter à l'évolution et à la transition. Et se reconnecter à cet élément, c'est accepter aussi que la vie, c'est une succession de vagues, avec des creux et des hauts. Et justement, se connecter à ça vous permet de mieux naviguer à travers toutes ces émotions, tous ces événements qui peuvent vous arriver et qui parfois vous submergent. C'est ça, et puis c'est cette connexion à l'élément eau, c'est ce qui nous rappelle le mieux, je pense, que la vie est un mouvement. Donc, peu importe qu'on soit en train de traverser des émotions agréables ou désagréables, de toute manière, on a tout intérêt à juste suivre le mouvement, parce que c'est ça qui va nous amener de l'autre côté, à la suite. Une émotion désagréable, elle n'est pas vouée à rester. Elle reste si on commence à bloquer dessus, à poser des résistances, mais sinon... suivre cette espèce de flot va faire que elle va circuler, elle aussi. Si tu pouvais donner un exercice à faire cette semaine à nos auditeurs et à nos auditrices pour se connecter à l'élément eau. Oui, c'est à toi que je demande, oui, il n'y a pas de piège. L'exercice d'utiliser la douche pour nettoyer vos énergies, c'est quand même un bon exercice aussi pour... En fait, le côté simple de cet exercice-là, c'est que si vous décidez de prendre votre douche un soir d'une journée particulièrement compliquée, que vous avez ressenti comme particulièrement compliquée à vivre, à traverser et aller jusqu'au bout, c'est là où vous pourriez ressentir encore plus facilement ce pouvoir de l'eau sur le nettoyage, la libération, la remise en mouvement de vos énergies. Évidemment, le bain énergétique, c'est quand même une pratique sacrée en termes de nettoyage. Le bain énergétique, pour moi, c'est vraiment la pratique qui fait un reset des énergies quand on en a besoin. Une poignée de sel marin dans le bain, on sent que ça dissout tout, ça nettoie tout, et on sort plus léger de là. Et j'utilise ponctuellement, mais ça m'arrive quand même, un exercice, alors exercice rituel, hein, vous appelez ça comme vous voulez, mais le rituel du verre d'eau pour... assainir ou nettoyer une situation. Donc là, je prends un papier, je dessine un rond, bah, plus ou moins la taille d'un verre d'eau, hein, dans lequel je vais poser la situation que je souhaite nettoyer, libérer des énergies contraires qu'il y a, que ce soit un relationnel bloqué ou une situation que moi je trouve être stagnante et bloquée. Et je vais remplir un verre d'eau que je vais poser sur cette phrase, voilà, sur cette situation. Et je vais tenir le verre d'eau dans mes mains avec l'intention de ce verre d'eau nettoie cette situation, nettoie les énergies de cette situation. Je laisse ça une nuit et le lendemain matin, je vide le verre d'eau sanitaire, évier, enfin, comme vous voulez, quoi. Et je vire le papier et voilà, j'utilise les énergies d'eau pour aussi nettoyer une situation comme ça. Pour les gens qui ont l'opportunité de vivre pas loin de l'eau, si vous avez envie de connecter davantage à cet élément, essayez de, ouais, de vous submerger dans de l'eau. Si vous avez de l'eau naturelle, donc lac, océan, mer, c'est le mieux. Si vous n'avez pas l'opportunité, comme tu disais, un bain, ça peut être très bien pour justement poser votre mental et laisser parler vos émotions et vraiment les ressentir. Moi, je trouve que l'eau est aussi l'élément qui peut être relié au temps par ce flux justement. Et j'utilise beaucoup l'élément aussi pour tout ce qui va être travail sur le temps. Et donc pour moi, associé à l'élément terre, donc de l'épisode précédent, la combinaison des deux est pour moi excellente pour tout ce qui est recherche dans les vies antérieures, recherche dans les liens généalogique, retrouver vos ancêtres, enfin, recommuniquer avec ça. Pour moi, l'élément eau associé à l'élément terre, c'est une très belle synergie pour ça. Mais en gros, essayez de vous laisser submerger par l'eau et de reconnecter à quelque chose du passé. Et quand je dis du passé, c'est le passé de votre âme et le passé de vos ancêtres. C'est hyper intéressant. Alors, pour plein de trucs, là, ce que tu viens de dire me concernant, c'est que bah, quand même, je suis la première à naviguer dans les mémoires transgénérationnelles et karmiques des gens. Aucune idée de quel élément me porte à faire ça. Et clairement, je n'y aurais pas mis l'eau pour des raisons qu'on a compris. Hein. Et vraiment, cette idée de submersion, c'est-à-dire que même te l'entendre dire, ça me fait suffoquer, quoi. C'est impossible. J'ai pas peur de l'eau parce que je sais nager, donc être dans l'eau, ça va. Mais alors, me mettre la tête dans l'eau, t'es pas arrivé, hein. C'est non, voilà. Mais il y a beaucoup de monde hein, qui ont peur de mettre la tête sous l'eau, qui ne sont pas du tout à l'aise. Et c'est hyper intéressant parce que je trouve que c'est toujours bien. C'est aussi ce qu'on disait dans les épisodes précédents, ce côté shadow work et de s'analyser, de travailler sur soi, d'essayer de comprendre d'où viennent nos blocages. Et justement, est-ce que c'est les nôtres? Est-ce que c'est de nos vies antérieures? Est-ce que c'est de nos ancêtres? Ça peut être hyper intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que... Alors moi, clairement, j'ai identifié hein, d'où ça sortait. On en a déjà discuté, toi et moi. Mais là où ça a un vrai intérêt d'aller chercher où est le blocage d'avoir du mal à être submergé dans l'eau, c'est que c'est quand même notre environnement de création. Avant de naître, on est un être totalement aquatique avec la tête dans l'eau et c'est notre espace de sécurité le plus absolu. Donc être paniqué quand on a de l'eau sur le visage ou qu'on a la tête sous l'eau comme moi, c'est bien d'aller chercher d'où ça sort quand même parce que globalement ça sort de quelque part. Alors ça peut être un traumatisme vraiment de l'enfance pour ceux qui ont été jetés dans une piscine pour apprendre à nager. Bon bah là on sait d'où ça vient. Moi ça n'a pas été mon cas donc j'ai mis très très longtemps à accéder à l'info de mais comment c'est possible de paniquer avec et c'est pas de la panique j'allais dire psychologique, c'est-à-dire que je prends pas une bouffée d'angoisse que je peux raisonner, c'est mon corps panique, mon corps me dit là danger, alors que bon parfois on parle juste du jet de la douche qui a dérapé sur mon visage pendant le shampoing hein, et ça nécessite pas à ce point-là de vraiment de couper ma respiration et de pas pouvoir, mais même pas expirer, c'est vraiment un rideau quoi. Prenez quelques secondes sous votre prochaine douche pour essayer de connecter à justement à ce flot du temps et de vos âmes antérieures, de vos vies antérieures et de vos ancêtres. Ça peut être un exercice très simple. Précision importante, c'est que ce que tu proposes est d'autant plus essentiel que contrairement à ce que les gens s'en font, votre âme porte en elle ces informations-là, donc vous n'avez pas besoin de faire appel à quelqu'un pour accéder à ça, c'est juste accepter d'aller plonger dans des informations que votre mental n'a pas forcément sous contrôle, mais ces informations-là, vous les portez intrinsèquement, elles existent, et vous pouvez, presque, comme tu dis, sur simple demande, sur simple intention, pouvoir y accéder. Donc oui, allez, autorisez-vous à, au contact de l'eau, laisser ce flux aquatique vous ramener les informations de ce que votre âme porte. Et puis peut-être que comme moi, bah, vous découvrirez que dans des temps de sorcellerie, vous n'avez pas fini sur le bûcher, mais balancé à la rivière. La fameuse ordalie de l'eau. C'est comme ça qu'on testait les gens. Soit tu arrives à flotter malgré un lest, et dans ce cas, tu es sorcière, tu vas au bûcher. Soit, bah, sorcière ou pas, de toute façon, lesté, il y a moyen de couler, quoi. J'y pensais, mais j'ai complètement oublié de le dire. Et pourtant, c'est quelque chose qui est très important. Et je pense qu'on fera un épisode dessus. Moi, je t'ai déjà dit que j'avais parfois des flashs de choses qui vont arriver ou qui sont arrivées ailleurs. Et typiquement, depuis tout petit, sous l'eau et notamment sous l'eau chaude, c'est un environnement qui favorise énormément ça. Ah ouais. Et c'est peut-être aussi pour ça que je le relie autant à la notion de temps. Parce que depuis tout petit, j'ai ce lien à l'eau qui faisait qu'à chaque fois que je prenais des bains ou des choses ou des douches un peu chaudes, il y avait ce moment où ça me détendait, ça me faisait un bien fou. Et en même temps, il y avait ce truc-là de je savais que ça allait arriver. Et souvent, chez moi, les flashs sont assez violents et très, pas douloureux, mais vraiment cette notion de quelque chose qu'on arrache d'un coup où t'es pas prêt, t'as ce truc qui t'arrive dessus. Mentalement, je pense que j'aurais eu du mal à identifier que je pouvais relier l'eau au temps, alors que je la relierais directement à tout ce qui est capacité médiumnique. Ça me paraît très logique ce que tu dis, que l'eau est vecteur de la médiumnité chez chacun de nous. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter sur cet élément eau? Oh bah moi non. C'est pas faux. Elle est con ma question, elle est con, elle est con. Ben, je pense qu'on va clôturer cet épisode sur l'eau. N'hésitez pas à nous dire si justement vous avez testé ben, ce qu'on avait dit avec, avec la douche notamment, Oui. avec le verre d'eau aussi. Si vous avez testé, faites-nous un petit retour. Ce sera hyper intéressant de voir si vous arrivez bien à vous connecter à cet élément eau, ou en tout cas si vous arrivez à recréer ce lien pour certains ou certaines, et d'explorer cet élément. Exactement. Et puis pour celles et ceux qui utiliseraient déjà l'élément eau, dites-nous ce qui symbolise pour vous, voilà, quelle est l'énergie que porte l'eau pour vous dans votre vie quotidienne ou rituelle, peu importe. Mais dites-nous ce que représente l'eau pour vous. Merci beaucoup Charline, merci à vous de nous avoir écoutés et puis on vous dit à la semaine prochaine pour encore un nouvel élément. Bisous! Évidemment, on poursuit notre aventure élément parce que vous le savez, on se connecte aux quatre éléments pour pratiquer la magie, la notion d'équilibre dont tu parlais. Merci à tous pour votre écoute, à toutes aussi. Bonne pratique avec l'eau, bonne chance et à la semaine prochaine!